Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Punk, Génération No Future, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a des souvenirs d'adolescence et d'ennui dans les années 70 et l'espoir de voir quelque chose céder ou au moins juste se passer. Et il y a le courant d'air fabuleux qu'ont été les riffs de guitare saturés et les voix cassées, et puis cette question de savoir ce que les premiers punks avaient dans la tête. Alors pour commencer, les personnages. Un gamin en Doc Martens, un historien du punk, un autre qui énumère, un géant vert, une fille trop jeune pour entrer, une musicologue qui décode, un ex-punk en colère, une fille en avance, Malcolm et Vivienne, un ancien souris déglingué et un organisateur pionnier. Ensuite, le décor, une esthétique, la crise économique, une jeunesse furieuse, Cleveland, l'héroïne, de bons textes, un club sale et puant, les Ramones, les Sex Pistols, l'East London, des looks provocateurs, la débrouille, des disquaires et un festival à Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, premier épisode, on remonte le temps, tendance VGE. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. C'est votre président qui vous parle. Punk, Génération No Future, aux origines d'un mouvement. Par Assia Khalid et Alain Lefkovitch. Captain Carter, are you prepared to take the constitutional oath? I am. Would you place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me? I, Jimmy Carter, do solemnly swear. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. La série des grèves continue en Grande-Bretagne. Le Premier ministre James Callaghan doit intervenir demain à la télévision. Mais que pourra-t-il faire? Some socialists seem to believe that people should be numbers in a state computer. We believe they should be individuals. We're all unequal. No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the... Le danger de guerre existe. Nous vivons dans une de ces périodes où l'équilibre du monde repose sur la capacité de sang-froid de quelques hommes. C'est dans ce contexte peu réjouissant que je fêtais mes 11 ans, coincé dans ma banlieue rouge déprimée. Denis Fabre et Christophe Izard, opium de mon univers, m'enfonçaient dans l'indolence et l'apathie. Pourtant, et n'en déplaise à Casimir, le désordre allait succéder au désordre, hypothéquant avenir radieux et lendemain qui chante. Les Trente Glorieuses avaient vécu. L'expression « en crise » se faisait leitmotiv d'un Occident en plein pogo. L'augmentation du prix du pétrole, les grèves, l'inflation, la désindustrialisation, la massification du chômage, le terrorisme irlandais, palestinien, italien et allemand, la peur du nucléaire, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, l'URSS en Afghanistan, la sécurité, la montée de l'extrême droite devenaient notre décor quotidien. La mort du rêve hippie, dans les tueries de Charles Manson, laissait la place au nihilisme punk et à une peur irrépressible du futur. La Blank Generation, la génération américaine du vide, cédait la place à la No Future Generation anglaise. Avec mon copain Philippe de la fanfare de Draveil, je découvrais Sylvie Schuss, icône provocatrice du premier boys band de l'histoire. Le tempo était nouveau et la guitare se portait basse. Badge et patch au graphisme improbable, bretelles pendantes et ceinture cloutée, perfecto tout équipé, tartan rouge, Union Jack et chemise façon tunique bleue au revers léopard, Doc Martens bordeaux basse ou haute devenaient mon uniforme identitaire. Mais au-delà de la panoplie provocatrice et des noms très évocateurs, des étrangleurs au Reich Orgasme, un nouveau bréviaire philosophique, artistique et politique s'offrait à nous. On mettait des coups de pied dans les pigeons, on intimidait les plus petits en faisant lever non pas de la victoire mais du piss-off, et on gueulait No Future, Anarchy ou Punk's Not Dead. Place aux écorchés vifs, à la poésie furieuse. Comme le dit Éric Desbris, membre du groupe Metal Urbain, groupe phare de la scène punk française créé en 1976, l'époque n'était plus en couleur mais en noir et blanc, tout était sombre et l'autodestruction trouvait là son âge d'or. À cette époque, c'est l'émergence de groupes dont on va reparler longtemps. Luc Robben, cofondateur du projet de recherche PIND, Punk is Not Dead. The Damned, c'est l'émergence de groupes comme Clash. C'est évidemment tout l'apport des Pistols. Quand je dis l'apport, c'est l'apport en termes de subversion, d'insolence, des textes qui vont marquer. Il faut se souvenir de God Save the Queen, évidemment, qui conspue la reine. Et puis I am an anarchist, I am an antichrist. Donc tous ces textes qui rentrent vraiment comme un coup de poing dans la société anglaise. Et puis faut se souvenir des Pistols, leur passage à la télé dans une émission de grande audience où l'animateur leur demande de dire des gros mots. On est dans cette provocation, alors qui est aussi co-construite d'une certaine manière par les médias, mais qui vont scandaliser l'Angleterre et tout d'un coup faire découvrir à l'ensemble de la société anglaise cette jeunesse qui en gros crache sur la reine, montre son cul, etc. et décide que décidément il n'y a plus de rêve pour l'Angleterre, il n'y a plus de futur dans les rêves de l'Angleterre, no future. Et ce texte des Pistols va rester et va être transformé en slogan, ce fameux no future de la première génération punk. I think... Le truc pour le punk british, c'était qu'il revendiquait être vraiment une réaction à la contre-culture, à la culture hippie. Mais en fait, il y a plein de choses en commun. Et la critique des punks, de la contre-culture, c'est que c'était devenu vieux. Et le punk voulait tout redémarrer avec une nouvelle esthétique et dans un nouveau contexte. Mais je crois que la colère du punk et les idées qu'on trouve dans le punk trouvent ses racines dans la contre-culture des années 60 et aussi les Angry Young Men des années 50 et 60 qui ont créé un espace pour des voix prolétaires, le réalisme social. Et ce qui est intéressant par rapport aux États-Unis, l'Angleterre, la France, c'est qu'on retrouve la même angoisse partout. C'est universel. C'est pour ça qu'on trouve le punk partout. Même si chaque pays aura sa propre particularité, le punk british était plus politique. Vous avez la même colère, le même ennui, le même détachement. Mais les Anglais s'intéressaient plus au réalisme culturel, réagir à la vie quotidienne, tandis que l'Amérique, le punk américain, côté Patti Smith, c'était plutôt intellectuel. The French one. Now Stinky Toys and Marquis de Sade. Stinky Toys, Marquis de Sade, ces groupes-là. Je connais pas les paroles, je sais pas sur quoi ils chantent, mais bon, on parle de l'Occident. Le punk débute en Occident, et l'Occident, dans les années 70, il y a la crise pétrolière, il y a la musique pop d'Amérique, d'Angleterre, de France, d'Italie. Partout, même en Allemagne, au début des années 70, la musique était super, mais vers le milieu de la décennie, ça commence à être un peu normalisé. Les albums de Ken après 1975 sont moins bons, mais on voit les mêmes influences, quelque chose de jeune, une jeunesse, un truc qui reflète l'époque au lieu d'essayer de s'en extraire. Alors aux États-Unis, je dirais quelques mois avant, mais peu de temps avant, il y a une sorte de scène, je pense à la scène new-yorkaise autour du CBGB, qui rassemble là aussi un certain nombre de figures. Alors on pourrait même remonter bien plus en avant, parce qu'un groupe comme les Ramones, qui sont considérés quand même comme pratiquement le premier groupe punk au monde, ils ont commencé à fonctionner au tout milieu des années 70. Il y a un certain nombre d'autres acteurs. On peut penser à Patti Smith, on peut penser On peut penser à Tom Verlaine, à Richard Hell, à toute cette scène autour du CBGB qui finalement va participer à l'éclosion de ce mouvement. Et ce qui est très étonnant dans le punk finalement, c'est que il y a une espèce d'immédiateté parce que à quelques mois près, on a une espèce de contamination États-Unis, Europe, Angleterre, Australie avec The Saints. Et en gros, c'est ce qui fait la force et la rupture, hein, la dynamique de rupture de ce mouvement, c'est que 76-77, un petit peu partout en Occident, disons, eh ben, le mouvement punk est là. Géant Vert, parolier de Parabellum, écrivain, journaliste et critique rock. Aux États-Unis, il y a un mouvement qu'on appelle proto-punk maintenant, parce que c'est simple avec le recul de classifier les choses. Mais aux États-Unis, ça fait depuis le début des années 70 qu'il y a des groupes invraisemblables sur New York, mais surtout à Cleveland. Le maillon, on connaît la scène de Californie, San Francisco, Los Angeles, la scène de New York. Mais le maillon, qui est toujours les cocus de l'histoire, c'est la scène de Cleveland. Et Cleveland, c'est tellement peu glamour qu'on oublie systématiquement que c'est là que la contre-culture américaine vient, des années 60, avant de se localiser à San Francisco. C'est Crumb, tout ça, Shelton, ils sont d'abord à Cleveland. Il y a toute cette scène. Donc, ils se relocalisent sur New York. Mais à New York, à l'époque, il y a énormément d'héroïne, énormément de dope. C'est Lou Reed, c'est... Il y a plein de groupes inspirés par le Velvet. Richard Hell, tout ça, les Heartbreakers, la fin des New York Dolls. Tout le monde bricole, tout le monde est tellement dans la dope que les années 75-76, c'est les joyeux bricoleurs. Le CBGB, le Maxis Kansas, tous ces endroits-là, on voit défiler les stars qui jouent pour $5. Les mecs, c'est incroyable à voir. Et donc, il y a les Ramones qui apparaissent. Et c'est vrai que les Ramones, c'est les grands copains de Blondie. Donc, les Ramones ont peur à tout le monde parce que les mecs, ils ont un discours. Ils arrivent, ils sont sapés avec leurs blousons, leurs jeans différents. Et ils ont un discours de droite réactionnaire que, où les mecs disent ouais l'armée c'est bien et donc mais tout le monde s'entraide, il y a une scène, il y a les Talking Heads, il y a c'est incroyable et surtout il y a Patti Smith, il y a des mecs qui savent vraiment écrire des textes fantastiques. Ok. Everybody, please welcome to the stage here, Television. Liz, ancienne de la scène punk de Olympia, capitale de l'État de Washington. Vous vous souvenez, Lise, la première fois où vous êtes allée au CBGB ? Oui, j'étais très jeune. Ils n'auraient pas dû me laisser rentrer à cause des licences sur l'alcool. Je crois qu'il fallait avoir 18 ou 21 ans, j'en avais 13. Alors j'avais une pote qui était plus âgée que moi. On a réussi à y rentrer et je me sentais plutôt joyeuse, je suppose. Can you describe the atmosphere? Inside the club, dans le club, c'était très sombre, petit, tout collait, c'était dégueulasse, il y avait des odeurs de pisse, de merde et plein d'autres choses. Des fois, c'était trop cool, c'était un peu intimidant d'ailleurs, mais je crois que c'était pas grave du tout, parce qu'on n'était pas censé être là et on avait cet avantage. What band did you see at this time? The Ramones, Television, Et mon Dieu, une espèce de forme de Deborah Harry et son groupe. Je ne savais pas que c'était Blondie à l'époque. C'est devenu commercial, mais c'était l'origine là, c'était même avant. Je dirais que les Ramones, ils avaient leur Hey Ho, Let's Go sur scène. Joey n'était pas sur le devant de la scène, comme il l'a été plus tard. Solveig Sær, musicologue chargé de recherche au CNRS, et co-dirigeante du projet de recherche PIND. Musicalement, en tout cas, cette jeunesse s'érige contre ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les grands groupes à succès. Donc, il y a une phrase de Starshooter qui est assez emblématique, qui est « Il y en a marre des Beatles et de leur musique de merde ». Donc, les gros groupes, comme les groupes de stade, les majors, enfin, tout l'ordre établi de la musique, et en même temps aussi, contre la contre-culture des aînés, c'est-à-dire justement les hippies, qui ont montré en fait comment leur avenir était tragique, comment eux aussi n'avaient pas de futur, et donc les punks décident d'établir quelque chose de très différent des hippies. La phrase culte aussi, c'est un bon hippie est un hippie mort, donc ça veut bien dire le statut que les punks donnent aux hippies. Et c'est une jeunesse qui justement, contrairement aux préjugés qu'on peut en avoir, la première génération punk, c'est pas d'une crête, c'est pas des clous, ça vient plus tardivement avec l'anarcho-punk un peu plus tard. C'est une jeunesse qui va y aller sans savoir jouer de la musique. Donc contre l'establishment de la musique où on faisait des années de conservatoire, où on maîtrisait très bien les instruments de musique, aussi où on jouait très longtemps, 20 minutes, là les morceaux punk ça peut durer une minute et c'est quand même une caractéristique très forte. Et c'est un retour aux sources du rock'n'roll, ce qui explique notamment, comme les sources du rock'n'roll sont diverses, qui explique la diversité musicale de cette première génération, parce que, en tout cas en France, entre des groupes comme Bijoux, Starshooter, Metal Urbain, Stinky Toys, il y a des sons extrêmement différents, qui aux musicologues posent problème, parce qu'on pourrait se dire ça c'est punk, ça c'est pas punk, mais qui en fait appartiennent tous à ce mouvement punk qui cherche à revenir aux sources du rock'n'roll et à contester la musique des années juste immédiates. Gerard Evans, ancien punk, journaliste, écrivain et biographe du groupe anarcho-punk Crass. Well, I was upset with my parents. J'étais fâché avec mes parents. Ils étaient fâchés avec moi. C'est la rébellion adolescente, typique. Je détestais le monde. Je détestais l'idée que j'allais devoir travailler n'importe quel boulot, porter un costume, c'était impossible. Je détestais mon uniforme d'école, je voulais pas troquer ça contre un costume. Je savais pas à l'époque qu'il y avait des alternatives, une manière différente de vivre. J'étais profondément angoissé par rapport à l'avenir. Je trouvais que le monde était injuste. À la télé, il y avait un programme qui s'appelait Blue Peter en Angleterre, et tous les ans, ils essayaient de lever des fonds pour nourrir des enfants qui n'avaient rien à manger. Et je n'arrivais pas à imaginer qu'on vivait dans un monde où c'était acceptable que les enfants n'aient pas à manger, qu'on ne règle pas ce problème. Ça me rendait très très malheureux. Aussi, j'étais puceau, je détestais ça. Je voulais vraiment changer ma vie. J'avais une image de moi qui était extrêmement négative. Et c'est pour ça que le punk était formidable. Ça m'a libéré. J'ai pu me couper les cheveux. J'avais les cheveux hyper longs pour cacher mes boutons, tout ça. J'ai coupé mes cheveux et hop, j'avais plus de boutons. C'était peut-être les cheveux eux-mêmes qui étaient responsables de mes boutons. Et tout ça est allé dans le même chaudron, on va dire, avec mes hormones et tous les années d'adolescence. J'étais extrêmement malheureux, je détestais l'école. Et puis que cet avenir soit décidé d'avance pour moi. They are heroes, not the nice clean Rolling Stones. You see, they are as drunk as I am. They are clean by comparison. They are a group called the Sex Pistols. And I'm surrounded now by all of them. Mozart, Bach, and Browns have all died. Really? What are we saying, sir? Wonderful people. Are they? So when the Sex Pistols? Quand il y a eu les Sex Pistols. Et alors eux, c'était manifeste qu'ils s'en foutaient éperdument. Alors voilà, ça c'était un modèle pour moi. Je me suis dit, et moi je peux être comme ça. J'ai pas besoin de tombé dans les pièges qu'on m'avait tendus. Eux, ils m'avaient montré une alternative que j'avais jamais vue. Les circonstances historiques de l'époque, c'est que le punk est sorti du rock et la musique pop aussi, qui était plutôt jouée par des blancs. Le punk était la version blanche de ce que faisaient les noirs dans le reggae. Il y avait aussi, à l'époque, il y avait des populations noires dans certains coins de l'Angleterre et pas dans d'autres. Et là où il y avait des noirs, il y a eu vraiment un mélange. Donc il y a eu Two Tone à Coventry ou à Birmingham où il y avait des coins où il y a des noirs et des blancs ensemble, qui vivaient ensemble. Il y avait, bon, le punk est vraiment blanc, mais il y a quand même pas mal de groupes. Basement 5, Anti Nowhere League, Killing Joke, X-Ray Specs. On se rend compte que là, du coup, c'est beaucoup plus mélangé. C'est plus on regarde de près, plus on se rend compte qu'il y a aussi des noirs et des blancs. Bon, certainement, The Clash, Sex Pistols, c'est surtout des blancs, mais aussi avec les femmes. Si on regarde avec les femmes, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de noirs qu'on ne croit. Zila Minx, chanteuse du groupe Rubella Ballet. Je suis devenue punk en 76, j'avais 15 ans. Ça, c'est avant les Sex Pistols, avant qu'ils soient à la télé. Et avant que la plupart des gens en aient entendu parler, j'étais déjà punk. Je vivais dans l'est de Londres. Et en fait, quand on vit à Londres, on voit plein de gens différents, plein de choses différentes. Là, on va, donc on voyageait beaucoup, on bougeait dans des marchés différents pour chercher des habits, des choses comme ça. Et peu à peu, on est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui des punks. C'était un peu une histoire de mode pour moi, imiter les gens que je voyais dans la rue, qui avaient des habits un peu différents. Et à l'école, une des filles avec qui je suis allée, elle est venue avec 6 boucles d'oreilles. Et à cette époque-là, tout le monde mettait encore des pattes d'ef. Et elle avait un pantalon très serré. Je lui demandais pourquoi elle faisait ça et des boucles d'oreilles. Ça. Et moi, j'ai pris une épingle à nourrice, je me suis percé le lobe avec ça. Et elle lui disait, bon, on va à un club et il y a 2-3 personnes ici. Il s'avère que les gens qui fréquentaient ce club, c'était les Damned. De ce que je me souviens, on sait qu'il y avait ce genre de personnes tout autour et on les voyait. Et on a commencé à porter nos habits, de faire ce genre de choses. Je ne connaissais pas trop la musique avant de voir les Sex Pistols à la télé. Et là, je me suis intéressée à la musique. Mais à l'époque, j'allais encore dans des clubs de jeunes. Et je traînais avec des gens qui sortaient les guitares, qui essayaient de faire du punk. On ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. On commençait juste. Quand on a vu les Sex Pistols à la télé, tout le monde savait ce que c'est. Et là, tout le monde savait ce qu'on faisait. Mais je ne m'intéressais pas trop à la musique à cette époque. Je regardais juste les gens dans la rue et je regardais la mode et c'était l'histoire de mode. La musique a commencé à avoir une influence. Et ensuite, ça a fleuri, c'est devenu ce qu'on voulait que ce soit. Et c'est pour ça que c'est devenu tellement incroyable. C'est au centre de Londres, au 430 King's Road exactement, dans une petite échoppe toute sombre avec un jukebox baptisé Paradise Garage, que le situationniste Malcolm McLaren, manager des New York Dolls, puis des Sex Pistols, s'installe avec sa compagne, la styliste Vivienne Westwood. Sex, c'est le nom de leur boutique, aux odeurs de soufre, de pornographie et de sadomasochisme. Ici, pas de tabou, avec un objectif simple, scandaliser, comme l'explique Linda De Matteo, anthropologue du contemporain chargée de recherche au CNRS. Les jeunes gens qui travaillaient dans cette boutique sortaient habillés avec les vêtements qui étaient produits par Vivienne Westwood. Donc, quelque sorte, ils faisaient la publicité de ce style émergent. Et comme je l'expliquais, ce n'était pas toujours évident parce qu'ils subissaient des réactions parfois violentes de la part des gens dans la rue. L'un des vendeurs qui un jour est sorti avec le brassard et la swastika, qui est un des produits phares de la boutique, et donc il a été interpellé par un passant qui lui a dit « mais je comprends pas comment vous pouvez porter ça, c'est vraiment dégoûtant ». Et donc là, il lui a répondu « mais on fait ça pour confronter les gens au passé », parce que Vivienne leur avait fait la leçon. Mais ça passait pas, et donc ce passant l'a suivi dans la rue, elle l'a frappé violemment et il est rentré chez lui en titubant, donc ça pouvait être aussi très violent. De la même manière, la vendeuse dont vous parliez a été aussi confrontée à une jeune femme, elle le raconte, qui ne supportait pas de la voir avec une swastika parce que ses grands-parents étaient morts dans un camp. Donc elle a été violemment prise à partie aussi, et pour elle c'était choquant. Pour elle, ça avait un sens esthétique, et puis elle disait qu'elle n'avait aucun tabou. Mais là, elle a commencé à se poser des questions, effectivement. Pourquoi avoir utilisé ces symboles du nazisme pour choquer de façon ultime cette bourgeoisie britannique ? Disons que ça s'inscrit dans d'autres, dans un éventail de pratiques aussi. Parce que, par exemple, les jeunes femmes qui adhéraient au mouvement punk à l'époque pouvaient aussi reprendre le vestiaire thatchérien. Donc, tailleur, Pierre Cardin, collier de perles, etc., avec un maquillage complètement extravagant, un maquillage punk. Donc il y avait toute une série de pratiques, il n'y avait pas seulement l'usage de la swastika qui était en jeu. Donc c'était une manière, de contester un ordre vestimentaire qui était très contraignant à l'époque, en particulier pour les jeunes femmes. Hein. Cette volonté de choquer, ça ne s'adressait pas seulement à la bourgeoisie britannique. Souvent, les jeunes punks étaient issus de milieux populaires et ils voulaient choquer dans leur propre milieu aussi. Le fait de porter des barésies, etc., de porter seulement un body et pas jupe chez les jeunes femmes, c'était vraiment une manière de choquer également les gens de leur milieu et de rompre avec le moralisme sexuel qui était ceux de leur classe sociale aussi. Hein. Le mouvement punk, si ça correspond à l'émergence de nouvelles revendications, les homosexuels étaient très engagés aussi dans ce mouvement, les féministes, etc. Et c'est des revendications que la classe ouvrière, que les syndicats, etc. avaient beaucoup plus de mal à comprendre. Karen Hamsden, membre du groupe punk Hagar the Womb. On avait l'habitude d'acheter les choses dans les vides greniers. On n'allait jamais chez Vivienne Westwood. Une fois, on a volé une paire de pantalons déchirés et à notre tour, on les portait. C'était absolument glorieux. Mais nous, on n'avait pas l'argent pour ce genre de choses. On dépensait beaucoup d'argent pour les blousons de cuir, mais c'était tout. Fallait se débrouiller pour le reste. Et on était contre tout ça. On voyait tous ces gens qui achetaient des choses qui coûtaient plus de 100 livres. À une époque où nous, on n'avait même pas les allocs, donc ça n'avait pas de sens d'avoir ce look tiré d'un moule parce que c'est ce à quoi les gens s'identifiaient, que c'était censé être ça, le punk, et à des prix complètement idiots. Alors on fabriquait notre propre look, notre propre style. Et ça fait partie de l'idéologie de Do It Yourself. Antenne 2, 5 août 1977. Il provoque, par l'accoutrement et par le geste. Ce sont les punks. Punk, ça veut dire paumé, raté, minable. Autrefois, c'était une insulte. Aujourd'hui, être punk, avoir l'air taré, c'est une aspiration. Objectif, choquer. Et c'est un franc succès. Toute l'Angleterre se hérisse et renie ses enfants qui insultent la reine, bafouent les valeurs qui ont fait la Grande-Bretagne, ont le mépris aux lèvres, se rendent laid et sont aux yeux une provocation permanente. Le mouvement est né à coups de guitare. La pop musique était devenue trop sophistiquée, trop électronique, trop synthétisée et finalement inaccessible à l'esprit comme au portefeuille. Le punk rock, c'est le retour à la simplicité. Une musique brutale, violente, qui heurte. Il y a des micros dans la batterie et la sono est au maximum. Faire du bruit ne demande ni argent ni talent. C'est la raison du succès. Ils crient qu'ils sont malades, que la société les fait vomir. Ils se percent les joues avec des épingles à nourrice. Ils portent des colliers de chien et s'entravent les genoux avec des chaînes. Solveig Serre et Luc Robin. On invente un style extrêmement hétérogène, où on récupère un peu tout ce qu'on trouve. T-shirts déchirés, enfin des choses, il suffit de regarder les photos des pistoles pour voir qu'on met un peu... On s'accoutre de plein de choses qui sont un peu indécentes, le cuir. Et je dirais aussi, on va mettre des symboles provocateurs sur son corps, alors croix gammée, on va commencer à se mettre des épingles à nourrice dans les joues, à se percer, à faire du corps aussi une arme de revendication, parce qu'évidemment, une épingle à nourrice ou un clou dans la joue, ça fait peur à la société. Et donc, quelque chose qui est visible et qui est pas correct du tout. La mode, après, va s'emparer de ça et puis recycler ce qui a été inventé et en faire un produit commercial, mais on est vraiment justement dans le faites-le vous-même, dans le bricoler vos... Voilà, donc les punks, bah, ils déchirent leurs vêtements, ils mettent des slogans, ils travaillent sur cette question des apparences. Alors, on joue aussi à mettre une épingle dans la bouche, mais elle traverse pas la joue. On est dans quelque chose qui est aussi très théâtralisé d'une certaine manière, hein. Il y a cette apparence, beaucoup de cheveux colorés, de spikes, pas de crête, hein, c'est clair. La seule crête qu'on peut identifier, c'est le bassiste des Maniacs, c'est le premier à mon avis qui a porté une crête. Puis bon, des slogans évidemment, des slogans les plus provocateurs possibles sur les vêtements. J'ai 20 ans et je t'emmerde, ou je suis une grosse merde. Ce genre de slogans qui apparaissent très provocateurs, très subversifs. Et une dernière chose, c'est le comportement des punks vis-à-vis des groupes eux-mêmes. Et quand ils étaient contents, au lieu d'applaudir, eh bien balancent leur canette de bière et crachent sur les groupes. Hein. C'est quelque chose de stupéfiant pour l'époque. C'est nouveau. Et ça caractérise bien, à mon avis, ce qu'est le punk dès le départ, hein, dans cette attitude du refus de tous les codes, y compris ceux de la joie, du bonheur et de la passion. Hein. C'est-à-dire qu'on transforme ça, on le renverse, on le tord, on en fait autre chose. Karen Hamsden et Ruth Stoll, membres du groupe Hagar the Womb. Bon, il y avait plein de concerts qui étaient assez violents. Je me rappelais que j'ai fait pleurer mes enfants quand je m'en souvenais. On nous balançait des bouteilles d'urine sur la tête, les gens nous menaçaient. C'était une époque beaucoup plus violente. Il y avait des comportements très violents dans les foules, des choses comme ça. Je me souviens qu'un groupe de trash très connu nous appelait des petites connes. Aussi, un icône punk très connu qui a dit qu'il ne quitterait pas la scène sauf si on lui taillait une pipe. C'était une époque où il fallait être beaucoup plus dur. C'est pas comme ça maintenant, heureusement. Mais à l'époque, on avait peur. On était des filles de 18 ans sur scène et il y avait beaucoup d'hostilité, beaucoup de violence. Vous savez, les gens appréciaient aussi ce qu'on faisait, mais ça faisait assez peur. Le taux de violence pendant les concerts, il y avait beaucoup de skins d'extrême droite qui venaient au concert, qui causaient des violences assez souvent. Beaucoup de groupes avaient des problèmes avec ça, alors oui, c'était une époque assez violente. On est dans une immédiateté qui fait qu'on pense qu'à l'instant présent, en fait. Et donc, jeter des canettes, c'est profiter et être heureux. Je pense que c'est justement manifester une certain type d'émotion, mais qui n'est pas l'émotion convenue telle qu'on s'attend. Et aussi, je dirais, tout ce qui est la culture de la défonce, c'est aussi un moyen de vivre à plein la vie, l'instant présent, en fait, et de pas se poser la question du futur. Vraiment, cette génération punk, en tout cas une partie d'entre elles, je pense qu'elle prend beaucoup de plaisir, mais un plaisir noir, en fait, quelque chose que la société établie considère pas comme forcément une source de plaisir. Évidemment, ça s'accompagne. Bah, voilà, on boit des canettes de bière et puis on se défonce à la colle. Parce que la question de la dope, elle est présente dès le début. Qu'est-ce qu'on prend? Du Captagon, on prend du Dinantel, on sniffe de la colle. Et c'est déjà même quelque chose qui s'exprime dans les chansons. Faut se souvenir de la chanson des Ramones, Now I Wanna Sniff Some Glue. Voilà. Et puis le fanzine qui s'appelle Sniffing Glue, c'est pas juste une image, c'est exactement ce qu'on fait à cette époque-là. Ou du triclo, ou des produits qui coûtent pas cher, qui grille bien les neurones et on se défonce. Êtes-vous punk? C'est facile à vérifier, vous vous mettez en face d'un miroir. Si vous avez les cheveux jaunes, verts, si vous avez une épingle ou un clou planté à travers si vous avez de petites croix nazies dessinées sur vous le êtes un paumé et vous êtes un punk. Antenne 2, 5 août 1977. Révoltant, disent les Anglais qui détournent les yeux et font des punks des délinquants qui relèvent de la police. Pour les punks, c'est le succès. L'hostilité des adultes nourrit le mouvement. Et ils sont chaque jour plus nombreux, cheveux rouges, verts ou bleus, vestes râpées, pantalons achetés aux puces, chaussures de tennis, à se donner des airs de chômeurs fatigués. Les hippies s'étaient opposés à la guerre du Vietnam. Les punks ne s'opposent pas, ils révèlent, ils caricaturent. La réalité de leur jeunesse, c'est la récession économique, le chômage, cette crise, ils la portent sur eux, avec leurs vêtements de clochard comme une provocation. Ils sont la première génération après l'embargo sur le pétrole. L'hostilité des Anglais n'a pas d'autre fondement. La misère, ça se cache, Les punks en font une évidente réalité, alors ils effraient. André-Marc Dubos, ancien journaliste, ancien disquaire et organisateur du tout premier festival mondial punk. Alors, le contexte britannique, c'est que quand même la classe ouvrière est encore... existe encore, malgré ce qui est en train d'arriver, ce qui va arriver avec Thatcher, dès qu'elle va arriver au pouvoir, donc après les grèves, tout ça. Donc, dans la classe ouvrière, il y a quand même une révolte chez les jeunes. C'est vrai que nous ne nous rendons pas bien compte, mais en Angleterre, il y a une grande partie de la jeunesse qui fait des art schools. Donc la plupart des groupes de rock viennent de là. Hein, ils font des études, on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, hein, c'est art school, on en sort... avait des diplômes ou pas, enfin, j'ai jamais très bien compris, même. Mais par contre, tous ils y passent, sauf donc les ceux qui viennent du mouvement ouvrier. Donc les jeunes qui sont au boulot, eux, ils sont aussi en révolte. Et en fait, il y a un mix de ça, parce que si on regarde des groupes emblématiques comme les Pistols ou comme les Clash, qui sont quand même les deux emblèmes du punk, quand même leur origine sociale est tout à fait stupéfiante, parce que autant Steve Jones, le guitariste des Pistols, est un voyou. Il vient d'une famille où son père bat sa mère. Enfin, c'est un voyou, il vole, c'est un voleur en plus. Il l'a raconté dans son autobiographie, c'est assez stupéfiant, parce qu'en plus, il s'était spécialisé, il allait voler les artistes. Il est allé voler chez David Bowie, il est allé voler chez Rod Stewart, il est allé voler. Donc, c'est un voyou. Mais par contre, vous avez Joe Strummer. Lui qui a eu une enfance, son père, si j'ai bien compris, il était dans les ambassades, donc il a circulé, il a été aux Indes avec son père dans les ambassades, donc il a eu une jeunesse quasiment dorée. Donc c'est le mix de tout ça qui est assez curieux, parce que en plus les Pistols ils sont lancés par McLaren, donc et sa boutique de fringues, et donc je sais pas, c'est avec le recul maintenant, ce qu'on a pris, moi j'ai pris ça au début pour une explosion, une bombe, la révolte, voilà, totale, avec des gens qui étaient tous révoltés. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup plus de d'artistique derrière, alors qu'on a reproché au punk d'être nihiliste et d'être zéro au point de vue artistique, enfin, même toute la presse musicale de l'époque, les musiciens de l'époque installés, tout le monde crachait sur ces groupes-là. Or, finalement, on voit bien que derrière, il y en avait quand même qui avaient un sens artistique énorme, puisque ça aussi, disons, basculé sur le fait, sur la mode, sur le truc. Les mecs se sont fringués différemment, ont inventé des tenues, sur les coiffures, surtout. Donc, il y a eu une. Ça a impacté sur toute la société, en fait. Que je voulais dire, c'était que pour nous, c'était vraiment Thatcher qu'on détestait tous, ça cristallisait la haine, et pour nous, elle essayait de détruire les mineurs, et une des choses très importantes, c'est qu'on ne voulait pas qu'elle gagne contre les mineurs. Pendant 5 ans, tous les groupes jouaient des concerts pour faire de l'argent pour les mineurs, parce qu'on voulait détruire Margaret Thatcher. Et la plupart des concerts étaient pour récolter de l'argent pour des assos, pour des organisations caritatives qui avaient besoin de financement, par exemple les mineurs, quand ils ont fait grève dans les années 80. Et quand on regarde les premières vagues de punk dans les années 70, c'est ça qui nous démarquait, nous. On avait une vraie conscience sociale qui n'était pas apparente tellement pendant la première vague du punk. Et je crois que c'est ce qui nous appartenait à nous. On était fauchés quasiment tout le temps. On n'avait vraiment pas d'argent, mais on avait beaucoup de cœur. La pauvreté, le lumpen prolétariat, géant vert. C'est en mettant les pieds à Londres que je le découvre. Moi, je vivais dans une cité. Et je pensais que c'était ça, le prolétariat. Et la claque en arrivant à Londres, où là, j'ai vraiment vu des gens pauvres, des gens qui ne mangeaient, qui mangeaient une fois par jour et encore. Des gens qui n'avaient que l'alcoolisme pour leur tenir chaud la nuit. Et c'était terrible. Nous, on venait avec l'argent de poche pour le claquer en Angleterre. les mecs là-bas, ils nous expliquaient qu'avec 20 livres, par exemple, on pouvait vivre du chômage pendant toute une semaine. En se mettant, il fallait 20 livres dans les années 70 pour être chaud, pour boire et pour manger pendant toute une semaine. Nous, on ne pouvait pas imaginer ça en France. Et surtout, là-bas, ce qu'on ne comprenait pas, c'était que la musique... Pourquoi la musique était excellente en Angleterre ? Les mecs là-bas, ils faisaient de la musique pour vivre, pour se sauver d'une vie de merde. Madame Thatcher, le leader de l'opposition britannique, a le vent en poupe. TF1. Avant les grèves, 1979. Ses chances étaient égales à celles de Jimmy Callaghan. Maintenant, les derniers sondages donnent 19% d'avance aux conservateurs sur les travaillistes qui s'usent au pouvoir. Bien sûr, cette tempête de grève ne peut balayer des siècles d'histoire, et les Anglais en ont vu d'autres. À Londres même, le spectacle de la City, cette forteresse de la finance internationale, est encore un témoignage étonnant de vitalité. Songez que la City, qui ignore les grèves, a doublé ses revenus étrangers en 3 ans. Son marché d'assurance est toujours le plus grand du monde. Les Anglais, qui sont toujours des entrepreneurs dynamiques à l'étranger, semblent chez eux accablés par un malaise social sans issue. Nous traversons une période de difficulté. Valérie Giscard d'Estaing. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Nous avons subi, nous subissons encore une très forte inflation, et tandis que cette inflation persiste, voici qu'apparaît une sérieuse menace sur l'emploi. Donc on est sous Valérie Giscard d'Estaing. En gros, les jeunes s'ennuient. Ils ont très peu de moyens, de musicalement en tout cas, de se faire entendre. Il n'y a pas peu de local de répète, peu de choses disponibles. D'où cette idée très forte d'y aller, de la débrouille, du do it yourself, fais-le toi-même, débrouille-toi avec les moyens du bord. Donc on ne sait pas jouer un instrument, c'est pas grave, on va gratter 3 notes et puis ça va donner un accord. On n'a pas de lieu, on va en trouver, on va aller dans des espaces illégaux, des squats ou des garages ou des caves, etc. En gros, la France s'ennuie en 76 et le punk cherche à réveiller tout ça. Oh! Ty Luke, chanteur et guitariste du groupe La Souris Déglinguée. La France de 76, c'est des disquaires partout. Sur le boulevard Saint-Germain, t'as la boutique qui s'appelle Givaudan. Rue Faubourg du Temple, en face du Gibus, t'as un disquaire qui s'appelle Dave Music. T'as des disques à profusion. Et puis en plus, les journalistes te disent qu'ils te font acheter des disques import. Ils te disent que le son est meilleur, le pressage est plus percutant. Donc tu t'exécutes avec l'argent que te donne... te donnent les parents. Ouais, c'est ça la France de 76 avec des concerts dans des grandes salles au Bataclan. Par exemple, en 75, tu vas voir Dr. Feelgood. À l'Olympia, tu vas voir les Flaming Groovies. Et puis, comme si encore les années 70, un peu avant, tu vas au Palais des Sports, tu vas voir Johnny Winter. En fait, la bonne musique, elle est déjà là depuis des années. Ce qu'essayent de faire les marchands à l'époque de la fin des 76, c'est de nous rendre un nouveau truc. Et puis nous, on est plus ou moins compatissants. Kent, fondateur du groupe Starshooter en 1977. La fin n'est pas glorieuse. En 76-77, on ne sait pas que c'est la fin. Ça monte encore, même s'il n'y a plus de vitesse, ça va descendre bientôt, mais ça, on l'ignore. C'était un pays qui allait bien. Le chômage était un art de vivre. On allait bosser, et quand on avait marre de bosser quelque part, on disait « je donne ma dème ». On partait, on touchait le chômage pendant un certain temps, et quand on touchait plus, on trouvait un autre boulot. Je viens d'un milieu strict. Géant vert. Strict, mais pas bourgeois. Et où le travail est important, il y a des valeurs républicaines, beaucoup de valeurs. Et on vivait dans une époque où c'était beaucoup plus dur. Il n'y avait pas de liberté comme maintenant. On n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de parler à table, on n'avait pas le droit de faire plein de choses. Et c'était vraiment très très ennuyeux comme vie. Alors la France de 76, c'est quoi ? C'est Giscard, c'est les flics avec des tenues lamentables. Mais c'est des flics, lorsqu'on a un petit sourire, ils se retournent et ils nous en collent deux. C'est une époque qui est très grise, très grise. Il faut imaginer que nous, on vient dans les années 70, on trouve très classe de s'habiller avec des sous-pulls en nylon là, fluorescent, avec un pull col en V sans manches, généralement marron ou gris. Tu vois le look. C'était épouvantable. Et surtout, bon, musicalement, on était dans une musique planante. C'était ennuyeux au possible. En plus, moi, j'avais envie de bouger, j'avais envie de sauter dans tous les sens. Et mes copains qui écoutaient Jimi Hendrix, qui écoutaient la musique de l'époque, eh ben, ils aimaient avoir les cheveux longs et de s'asseoir le long des couloirs, le cul par terre, sans rien dire. Fallait pas parler, fallait être cool. Ça m'intéressait pas. Le punk, ça m'a permis de m'exploser la tête, mais alors quelque chose de bien. Ça m'a permis d'épancher ma curiosité. Et surtout d'exister en faisant des choses originales que j'aurais pas pu faire ailleurs. C'était épouvantable ce qu'on nous apprenait. On nous apprenait à devenir des fonctionnaires. Des fonctionnaires ou pire, cette espèce d'élite de gauche socialiste, soi-disant éclairée, et qui nous a carrément plombé les années 80, 90 et jusqu'à maintenant encore. Get back to where your arms belong! Premier Clash, premier Damned, premier Voskox, premier Starshoot, le Get Back interdit. Pourquoi il était interdit celui-là ? C'était le deuxième 45 tours, on l'a sorti et la maison de disques s'est rendu compte, en fait c'était EMI, et EMI distribuait les Beatles en France. Et c'était sans leur autorisation, ni des Beatles ni de la maison de disques. Ils l'ont fait retirer des magasins. Et donc on en a récupéré quelques-uns en fabrication et on les vendait dans les où on les donnait, je ne sais plus, au concert. Soupli discret. Et alors on est en quelle année là ? 77. Et alors la référence au punk, ça vient quand ? Comme toute génération nouvelle, on était au début on a respecté, puis après on était en réaction à ça, en réaction à Ange, qui était le groupe numéro un en France et qui jouait des chansons très sophistiquées, des morceaux musicaux, enfin toi, des trucs qui duraient 6, 7, 8 minutes. Et nous on voulait pas ça, quoi. Donc on s'est mis à jouer des morceaux de 2 minutes 30, de grand maximum, et puis surtout qui se prenaient à pas se prendre au sérieux. J'ai découvert le punk en 76 en fréquentant une boutique de t-shirts qui s'appelait Harry Cover, qui éditait une revue qui s'appelait Rock News. Et c'est là que j'ai vu les premières photos des Sex Pistols. Je ne connaissais pas leur musique et j'ai trouvé que le look qu'ils avaient était fantastique. Et surtout, ils jouaient une chanson, No Fun, que je connaissais. Sinon, tout le reste, leur musique, ce qu'ils faisaient, comment ils étaient, j'ai tout fantasmé dans ma tête jusqu'au jour où j'ai réussi à mettre la main sur un disque. À partir de là, bon, ben, j'ai aimé le do-it-yourself. Et surtout, c'était un look extraordinaire par rapport à la manière ringarde dont s'habillaient les jeunes à l'époque, leurs parents, les profs, tout ça. Et ça a été l'occasion pour moi d'en faire qu'à ma tête, et ça fait une quarantaine d'années que ça dure. La première boutique qui a commencé un peu à passer de la musique, c'était la boutique de Mathé, rue Saint-Sulpice, Music Box. Le quartier punk, c'était plutôt là où il y avait les squats, tout ça. C'était derrière Montparnasse, Pernetti, rue de l'Ouest, tout ça. Il y avait le squat de Bye Bye Turban. Un endroit super, ils étaient au troisième étage, et puis les deux premiers étages, les escaliers avaient été arrachés. Alors, c'était sportif pour y aller. Les gens n'avaient pas de look. Les gens, ils ressemblaient tous aux Ramones. Parce que les Ramones, c'était ce qu'il y avait de plus proche du look du look punk. La date de 76 correspond aussi à des événements symboliques qui ont marqué la mémoire de ce mouvement, et notamment l'organisation d'un festival, le premier festival punk du monde, en France, à Mont-de-Marsan, qui voit se rassembler non seulement des musiciens venus d'Angleterre, comme The Damned par exemple, 76, mais aussi des Français, et avec cette étiquette de premier festival punk. À Mont-de-Marsan, on va bricoler quelque chose, hein, autour de trois verres de bière, l'équipe se dit si on montait ce festival, et c'est comme ça que ça démarre, et qu'on va attirer quelques centaines de jeunes venus de toute l'Europe au début, et puis l'année suivante un petit peu plus, voilà, avec ce clash notamment, et puis Police, qui à l'époque a encore cette étiquette punk, avec Padovani à la guitare, le guitariste corse, voilà, et puis tout un tas d'autres groupes. Certains ne figurent pas sur l'affiche, mais vont être happés par cette programmation. Je pense à Strychnine, par exemple, qui arrive de Bordeaux. Voilà. Cratère au sein même de Mont-de-Marsan pendant deux jours. L'arène d'habitude réservée aux taureaux, cette fois prise d'assaut par ce qu'on appelle les punks. André-Marc Dubos. Ça s'est passé un petit peu curieusement, parce qu'effectivement, je ne vois pas comment on pouvait imaginer que le premier festival punk européen, puisque c'était même le titre de l'affiche, le premier First European Punk Festival, pouvait se dérouler ici au fin fond des Landes. À l'époque, dans tous les journaux, mais depuis Marie Claire jusqu'à Paris Match, ou tous les journaux, même de Blaireau et tout ça, et on parle du punk, ça, mais évidemment toujours en négatif. Objectif, faire peur, choquer, bousculer les habitudes, objectif raté. Et on dit que c'est rien, c'est des anarchistes, on dit que c'est des voyous. Bon, tu me diras, le mot punk, déjà, bon, c'est déjà ça. Donc, c'est, quand on s'appelle punk en Angleterre ou aux États-Unis, ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est la racaille. Même ici, dans le Mont-de-Marsan, parce que moi, le gag, c'est les gens ne se rendent pas compte, mais voir les hordes, comme on les appelait, des hordes arriver pour le festival punk dans une ville comme le Mont-de-Marsan, qui était à l'époque une ville de garnison, où il y avait le 6e régiment de parachutistes, c'était la ville à être mise à feu et à sang. Hein. De toute façon, le premier festival, 15 jours avant, la préfecture veut l'interdire. Donc, on est convoqué. On a fait une sorte de chantage, hein, il faut bien le dire. On a dit, ah oui, mais attention, nous là maintenant... c'est le First European Punk Festival. Les gens là, les clients, ils arrivent de toute l'Europe. Et nous n'avons plus aucun moyen de leur faire savoir que c'est annulé. Donc on dit, alors voilà, ils vont arriver là. Alors si c'est annulé, alors là, ils vont ravager la ville. Ça c'est sûr. Donc on a fait une sorte de chantage grotesque qui a marché immédiatement. Donc on a eu l'autorisation, mais il a fallu qu'on prenne la police et tout ça. Alors elle a dit, non, on ne veut pas de police autour des arènes, mais surtout pas. Donc, on a négocié au commissariat. On voulait pas. De toute façon, ils étaient contents, hein, parce qu'eux, ils voulaient pas y aller non plus. Donc, pas de problème. Le maire, il voulait plus en entendre parler. Il n'était pas question d'en refaire un en 77. Et on en fait un en 77 pour une raison encore plus rocambolesque. C'est qu'il y a des élections municipales en 77. Et donc, le maire, qui était un vieux monsieur, qui avait déjà 80 quelques années, avec un sonotone et tout, le maire qui était là, lui, il n'était pas question. Donc, on s'est présenté aux élections. Donc, tous les gens qui avaient participé au festival, alors il y avait même des DJ, des boîtes de nuit, des barman, tout ça, etc. Et là, quand tu te présentes, plus personne te regarde pareil. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, même si tu n'avais aucune chance de gagner, mais on ne sait jamais. Donc, on a demandé les arènes pour le août 77, avant les élections. Et donc, on nous les a données. Il n'y aurait pas eu d'élection, il n'y aurait pas eu de festival en 77. 3000 personnes, en tout cas, un événement à voir si possible. Spectacle partout garanti, jeunes Anglais et Français en majorité. Le punk venu d'outre-Atlantique via l'outre-Manche amène aussi ses adeptes. Extraordinaire exportation, c'est nouveau, certes, mais l'odeur de haschich ou même parfois le cliquettement de quelques seringues, le tout arrosé d'alcool, ce n'est pas nouveau. Pour ça, la tradition se perpétue. Thank you.